Joly. Bertrand Verjoly, au cours de la première émission, il y a 15 jours, vous aviez parlé de l'idée générale de la résurrection et de son attente. La résurrection dans la nature, dans la philosophie, dans les autres religions, en particulier le judaïsme. En fait, cette attente qui fait que tout le monde est porté vers une idée de renaissance. Nous allons aujourd'hui parler de ce qui est propre à notre foi, de la manière dont l'Église et le Christ vont ecclésialiser justement cette attente que l'homme avait de tout temps. Et si vous voulez bien, nous allons commencer par la signification propre de la résurrection dans un langage chrétien. Alors, effectivement, la fois dernière, nous avons vu que la résurrection n'est pas du tout une idée farfelue, magique, magicienne, mais que c'est une réalité qui rythme le temps, l'univers, l'histoire. Nous apercevons que tous les jours le soleil naît, le printemps revient, que tout est fondé sur le retour, que le retour est quelque chose de structurant, et que le retour, quand il est vécu de l'intérieur, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire du fatalisme, pas. C'est l'expression de la foi et de la vie. Avoir la foi, c'est le contraire de la condamnation. C'est l'idée qu'il y a toujours une grâce, un salut possible. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que le propre du Christ est de partir de la notion de résurrection pour l'amener encore plus loin. Qu'est-ce qui est extraordinaire avec les évangiles? C'est que la résurrection ne va pas être la résurrection de l'univers, du cosmos impersonnel. Ça ne va pas être la résurrection de tel ou tel moment de l'histoire, la Renaissance. Ça ne va pas être simplement une régénérescence partielle de l'homme, un recouvrement de la mémoire, voire un retour à la jeunesse. Mais c'est quelque chose qui va vraiment s'accomplir pour chaque homme. Donc, le sens de la résurrection nous concerne dans le plus intime, puisqu'elle s'adresse à chacun en particulier. Alors, qu'est-ce qui permet de comprendre cela? C'est de voir l'extraordinaire dynamisme, d'abord, dans la structure christique de la vie. Le propre du Christ, c'est de se définir, non pas par rapport au passé, mais par rapport à l'avenir. L'homme vient de Dieu, mais le but de l'homme n'est pas simplement de venir de Dieu. Le but de l'accomplissement de l'homme, c'est que Dieu soit son avenir et soit toujours un avenir. Donc, la résurrection est une résurrection qui, nous venons de quelque chose qui est déjà ressuscité, mais nous allons maintenant vers une résurrection dans la plénitude de sa manifestation. C'est-à-dire que le propre de la résurrection va consister à accomplir la notion de résurrection, l'accomplir dans la personne et l'accomplir dans son corps, de manière à ce que chacun expérimente à un niveau individuel la vie éternelle. Alors, je crois que il faut bien comprendre ici le drame et la profondeur de la résurrection. Je crois que pour comprendre ce qu'est la résurrection, il faut comprendre ce qu'est la vie et la mort en termes chrétiens. La nouveauté du christianisme est d'expliquer que le grand drame que connaît le monde, c'est le drame de la mort. La mort, pour un chrétien, n'est pas naturelle. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas naturelle? Parce que la mort ne signifie absolument pas le vieillissement qui se termine par l'usure et finalement la mort. La mort signifie quelque chose de tout à fait autre. Pour le comprendre, il faut bien comprendre ce qu'est la vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? La vie, ce n'est pas simplement le fait qu'il y ait un individu animé, capable de se reproduire par une sexualité, la vie apparaît lorsque l'individu vivant et sexué est capable de vivre de tout son être pour s'accomplir, se transcender et appartenir à la vie. La vie est donc ce moment de transmutation où un individu devient totalement vivant. Il n'est plus un individu vivant, il est la vie même. Le prototype de la vie, c'est le Christ. Le prototype de la vie, c'est le Père, source de vie, le totalement vivant. Le but de la vie, c'est la vie. C'est pour ça que Dieu dit « Je suis le vivant, le Dieu des vivants et non des morts ». Le péché de l'humanité réside dans le fait non pas d'appartenir à la vie, mais de s'appartenir à soi sans appartenir à la vie. C'est la chute, au sens où il y a une énergie de vie dans l'homme qui, au lieu d'aller vers Dieu en se transcendant, retombe et se pétrifie à l'intérieur d'elle-même. Donc le grand drame du monde, c'est la retombée, la chute de cette énergie que l'on trouve dans la vie, dans l'homme. Et c'est vraiment la chute de l'homme. La chute de l'homme, c'est la chute d'Adam, qui est, je dirais, dans les profondeurs de l'homme, la tendance, pourrait-on dire, que l'humanité a de ne pas se transcender, ne pas voir les choses dans le devenir totalement vivant, mais retomber sur le sol en ayant mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal, du jugement, en étant dans une vision totalement morte de la vie. Alors, je crois qu'il y a ici quelque chose qui me paraît donc capital, c'est de comprendre cette structure de vie et de mort. Je suis, quand je comprends la vie, je comprends la personne et je comprends le corps. Qu'est-ce que c'est que le corps ? Le corps n'est pas l'enveloppe charnelle, le sac d'organes que nous sommes. Le corps est quelque chose d'extraordinaire, qui est bien caractérisé par ces notions prendre corps, faire corps, avoir du corps. Nous avons un corps, nous sommes dans un corps, quand nous sommes dans notre énergie fondamentale qui fait corps, qui a du corps et qui prend corps. Nous sommes dans le corps profond. Le corps profond et la vie, c'est la même chose. Donc, je peux très bien avoir une enveloppe charnelle et ne pas avoir de corps. Et à l'inverse, avoir du corps, ce n'est pas avoir une enveloppe charnelle ou un sac d'organes. C'est-à-dire, les gens qui ont un corps, bien, c'est extrêmement rare. Et l'expérience du corps, c'est vraiment l'expérience de la chair. Et le but du Christ, c'est la résurrection de la chair. Et c'est ce que l'on voit apparaître dans l'expérience de la personne. Qu'est-ce qui permet d'aller de la vie au corps, à la chair ? Bien, c'est l'expérience de la personne qui vit de tout son être d'une manière personnelle et qui se transcende. Qui fait que dans la même personne, il y a quelqu'un et puis il y a quelque chose d'autre. Nous sommes là dans le noyau de la vie. Tout ceci est récapitulé par le nom de Dieu. Dans la Bible, le nom de Dieu est le tétragramme Yahvé, YHVH, qui veut dire « je suis ». Le nom de Dieu, c'est l'expérience même de la vie à l'état pur. Faites l'expérience de dire « je suis », vous sentez votre énergie vivante parcourir tout votre corps. Et vous sentez que tout autour de vous, tout se met à vivre et à vibrer. Nous sommes dans la plénitude et la communion. Dans le « je suis », nous voyons le nom du Christ, « je » et « l'être ». Toujours une relation entre la personne et le niveau d'être ontologique. Donc, en tout être humain, il y a, parce qu'il est à l'image de Dieu, le « je suis », le corps fondamental, la personne profonde. Mais nous sommes confrontés à la mort. Qu'est-ce que c'est que la mort ? La mort, c'est la rupture de l'homme avec la personne, l'accomplissement, le corps, le « je suis ». Cette rupture nous vient de quoi ? De l'absence totale de foi, de vie, qui saisit l'homme. Qu'est-ce qui rétablit l'homme dans la dimension de lui-même ? C'est la foi. Lorsque l'homme ne croit plus en lui, qu'est-ce qui rétablit l'homme dans la foi en lui-même ? C'est la foi de Dieu et l'amour de Dieu dans l'homme. Et qu'est-ce que nous voyons apparaître dans la résurrection ? Nous voyons effectivement que Dieu vient dans le cœur de l'homme restaurer la foi, la vie et le corps que l'homme a perdu, que l'homme n'a pas. C'est-à-dire que le Christ vient pour toute l'humanité et tous les temps, il vient rétablir le sens de la personne. Et je dirais qu'il vient ici terrasser la mort. Nous en avons une petite intuition dans les visions non chrétiennes de la vie et de la mort. Si nous prenons la vision de l'Inde, qu'est-ce que nous dit l'Inde ? L'Inde nous dit « au commencement est le soi, puis il y a la vie qui sort du soi et qui s'individualise. Et on est dans la tragédie de l'individu et de l'ego. » Avant que, petit à petit, l'individu, en se dépouillant de lui-même, retourne vers le soi et se libère. Bien, je dirais qu'il y a là, comme un écho, si vous voulez, de la tragédie de la personne et de la chute. Ou plutôt du scandale de la chute. Parce que tragédie signifie résignation. Nous voyons que, dans beaucoup de visions de l'homme, il y a cette vision de l'homme qui dit, voilà, l'homme est au départ, par exemple, dans le ventre maternel. Il sort de ce ventre maternel, il devient un petit enfant. Et puis ce petit enfant perd à un moment sa qualité d'enfant et d'innocent. Et la vie consiste à essayer de retrouver son âme d'enfant, c'est-à-dire dans un corps d'adulte, faire l'expérience de la création. Donc, nous voyons dans les grandes visions du monde, aussi bien occidentales qu'orientales, nous voyons apparaître quelque chose qui est un écho affaibli d'une réalité, à savoir le problème de la personne, le problème de l'opposition qu'il y a au sein de la vie. Cette opposition, elle est universelle. Nous voyons quoi ? En Dieu lui-même, dans le rapport avec ses anges, nous voyons que Satan est cet ange déchu qui s'est replié sur lui-même. Et nous voyons, dans la vie humaine, que la question de la foi apparaît dans notre développement. Nous sommes tous nés de la vie avec l'innocence des enfants, et à un moment, nous nous sommes tous durcis à l'état adulte, et puis, nous apprenons au fur et à mesure de la vie à nous désappartenir pour appartenir à la vie. Nous voyons même des grands systèmes philosophiques montrer que le gros problème de l'humanité, c'est le problème de la propriété, de l'appropriation, du pouvoir, de la violence, de l'orgueil. Là, je crois que nous tenons le mystère de la vie et de la mort et le mystère de la résurrection. Le mystère de la résurrection, c'est vraiment le moment où je cesse de m'appartenir à moi-même pour appartenir à la vie. Je me désaliène complètement de moi-même. Et je comprends quoi ? Je comprends que la mort se trouve là. La mort, c'est de ne pas appartenir à la vie, c'est de vouloir m'appartenir à moi-même. Tout ce que je fais pour pouvoir me conserver me fait chuter. Et que voyons-nous dans le mystère de la croix ? Nous voyons la phrase clé où se trouve tout le retournement de l'humanité. C'est le cri que Jésus lance au Père en disant « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Relisez le texte. Ceux qui sont au pied de la croix disent « Il parle à Élie » et même « Il cite le prophète Élie ». Le Christ ne prononce pas un cri désespéré en constatant que Dieu l'a abandonné. Mais le Christ enseigne sur la croix au monde entier et répond à Élie. Élie demande à Dieu « Pourquoi nous as-tu abandonné ? Nous sommes dans la souffrance. » Et le Christ reprend ce cri pour dire à Élie « Voilà. Voilà ma réponse à la question. » Voilà la réponse à la question du silence de Dieu. Quelle est la réponse ? Le Christ, sur la croix, ne s'appartient plus. Il appartient au Père. Il appartient à la vie. Et il est capable, là, c'est la personne universelle qui terrasse l'orgueil. Si on peut vivre sans orgueil, tout est sauvé. Est-il possible de vivre sans orgueil ? Est-il possible de vivre sans retenir la vie ? Est-il possible de vivre en mourant à soi-même ? Oui, il est possible de mourir à soi-même. Existe-t-il un Dieu ou une religion qui ne soit pas le Dieu de la mort ? Oui, il existe une religion et un Dieu qui est le Dieu de la vie. Voilà ce qui nous est montré. Il nous est montré au niveau de l'humanité tout entière qu'une autre vie est possible. Et, je dirais, une vie dans laquelle l'homme, se dépouillant totalement de lui-même, ne débouche pas sur la mort, mais débouche sur la vie. Il y a une phrase extraordinaire de saint Paul. Saint Paul dit « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Corinthiens 1, chapitre 15. Et saint Paul rajoute « Le Christ est ressuscité des morts parce que nous le disons. » Qu'est-ce que dit saint Paul ? Saint Paul dit que la résurrection est le fondement de la parole. Et la parole est la preuve de la résurrection. Quel est le lien qu'il y a entre la parole et la résurrection ? En général, nous disons, c'est pas parce que je le dis que c'est vrai. Eh bien, saint Paul dit, c'est parce que je le dis que c'est vrai. Pour parler, il faut être de tout son être. Il faut vivre de tout son être. Il faut être dans son corps, il faut être dans la personne, il faut être dans l'accomplissement. Et pour être dans l'accomplissement, dans le corps et dans la personne, il faut que la vie soit plus forte que la mort. Et pour que la vie soit plus forte que la mort, il faut que l'orgueil soit terrassé. Et pour que l'orgueil soit terrassé, il faut qu'il y ait un Dieu qui ne soit pas le Dieu de l'orgueil, mais qui soit celui qui terrasse l'orgueil. Nous voyons ici qu'il y a une extraordinaire logique qui part de Dieu lui-même. Dieu se présente comme le Dieu de la vie. Il est le Dieu de la personne. Il est le Dieu qui fait vivre la personne jusqu'au bout. Il est le Dieu donc qui subit l'humiliation et qui subit pour pouvoir terrasser l'orgueil. Si Dieu est Dieu, le Dieu de la vie, si Dieu est celui qui fait vivre la personne, à ce moment-là, tout est sauvé. Tout est possible. La personne peut vivre. Et qu'est-ce qui montre cela? Ce qui montre cela, c'est que lorsque le Christ est ressuscité, eh bien, le monde a déjà changé. Les hommes ont un autre corps. Qu'est-ce qui montre ça? Les miroirs. Les miroirs, qu'est-ce qu'elles voient? Elles voient la réalité d'une manière nouvelle. Il n'y a pas de cadavre. C'est ça, la réalité. Et qu'est-ce que voit Thomas? Thomas, eh bien, il veut un corps. Il veut être dans son corps. Il veut vraiment toucher la résurrection. Et qu'est-ce qu'il voit? Il peut le faire. Pourquoi? Parce qu'il avait une position juste. Il réclamait un corps. Et maintenant, le corps est vraiment possible. Regardez, autour de nous, la résurrection n'a pas encore eu lieu, mais nous y croyons. Et nous envoyons tous les bienfaits tous les jours dans notre vie. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que le fatalisme est vaincu. Et nous pensons que nous pouvons nous en tirer et être sauvés. Nous apercevons donc quoi? Que le Christ, par sa mort, en faisant vivre la personne et en terrassant l'orgueil, nous a donné un nouveau corps, une nouvelle perception du monde. Cette perception du monde est liée dans le fait que le monde a changé, que quantité de résurrections ont déjà eu lieu. Et c'est pas fini, nous n'avons pas encore tout vu. Qu'est-ce qui nous permet de dire ça? Vous savez, quand nous mourons, c'est les autres qui nous font vivre. Et ça nous vient de l'autre. Il y a des tas de choses auxquelles nous participons dans l'invisible et qui sont des constructions, des résurrections, sans le savoir. Nous vivons donc, avec la résurrection, un temps nouveau qui est le temps où l'extraordinaire s'accomplit. Alors, ça commence par quoi? Ben, ça commence par des paroles, par des pensées. Il y a beaucoup de gens qui disent « Je ne peux pas croire en la résurrection parce que je voudrais la voir ici et maintenant. » Et je crois que le Christ nous dit, attendez, vous allez vivre la résurrection, mais avant, pour l'accueillir, il faut que vos pensées, vos paroles, votre être puisse l'accueillir. Si vous n'avez pas, quel est le décalage entre la résurrection et notre situation terrestre? Ce décalage est positif. Nous devons nous préparer par nos pensées et nos paroles à pouvoir accueillir cette résurrection qui va avoir lieu. Rien ne serait plus tragique que la résurrection ait lieu, mais que notre conscience, incapable de l'accueillir, ne s'en rende pas compte. Donc nous vivons ici un temps qui est le temps de la culture, qui est le temps collectif où l'humanité devient consciente, le temps de l'avenir, dans lequel nous préparons notre résurrection. Bertrand Vergely, pour terminer, je voulais que vous commentiez en quelques mots cette salutation que nous avons l'habitude, mais c'est plus qu'une habitude. Les chrétiens, à partir du moment de la résurrection et pendant ce temps pascal, pour quelques jours donc encore, puisque mercredi prochain nous allons avoir la clôture de Pâques, nous nous saluons, pas en disant bonjour, mais en disant le Christ est ressuscité. Réponse, en vérité, il est ressuscité. Pourquoi ce salut? Parce que, d'abord, c'est effectivement le mot salut. Qu'est-ce que c'est que se saluer? Se saluer, c'est dire à l'autre la bonne nouvelle. Dire qu'il est fils. Qui sommes-nous? Nous sommes des vivants. Et nous honorons et nous saluons dans l'autre le vivant. Et nous disons, avant même de commencer à parler, nous allons nous en tirer. Salut. Que le salut soit sur nous. C'est-à-dire, c'est le fondement de toute relation. Nous ne partons pas battus dans la relation. Nous partons vivants dans la relation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Salut. Ça veut dire, je ne désespère pas de toi. J'ai foi en toi. Parce que tu vas t'en tirer Et l'autre répond, et toi aussi tu vas t'en tirer, et on va tous s'en tirer, et on va tous être sauvés. Et je crois que, vous voyez, imaginez, donc c'est magnifique cette vision, cette bénédiction, imaginez que dans le dialogue, on ne fasse pas venir le salut. Ça veut dire, c'est, la parole de non-salut veut dire, c'est même pas la peine de parler, je crois que tu es un homme perdu, et l'autre répondra, moi aussi je pense que tu es perdu, donc c'est pas la peine de se parler. Quel est le fondement de la parole? C'est la résurrection. Et qu'est-ce qui vérifie la résurrection? C'est la parole. Le salut sauve la parole, et la parole bénit, accomplit le salut. Donc, ce qui est magnifique, c'est la foi de saint Paul, la foi des pères de l'Église, la foi qui vient du Christ, qui est de dire, mes amis, vous allez tous être des vivants. Et je veux que vous soyez sauvés, que tous soient sauvés. Donc c'est quelque chose qui transforme totalement de l'histoire. Jamais on n'a parlé de la vie humaine comme ça. Jamais on en parlera. Il me semble que c'est ce qu'il peut y avoir de plus beau au monde à dire à quelqu'un, je ne désespère pas de toi, que le salut soit sur toi, que le salut soit sur nous. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Alors les lectures, que peut-on lire pour accompagner, pour encadrer cette réflexion? D'abord l'Évangile, je crois, évidemment. La manière dont ces événements sont relatés est toujours très, très simple par l'Évangile. On a des faits qui sont donnés parfois sans commentaire du tout et qui pourtant sont très forts. Puis évidemment, les extraits de l'Évangile, surtout de Jean, parce que c'est l'Évangile de Jean que nous lisons en ce temps pascal, en les reprenant à partir du dimanche de Pâques, pour voir quels sont les extraits que l'Église a choisi justement à lire. D'abord ce merveilleux prologue de Jean, qui a cette idée absolument extraordinaire de réécrire en quelque sorte la création, en disant que le Verbe était au début, etc., de refaire l'histoire du monde. Et puis évidemment les différents dimanches du temps pascal, en commençant par Thomas, qui a eu cette réaction tout à fait humaine de vouloir non seulement voir, mais toucher le corps. Bertrand Verjoli, je vous remercie beaucoup. Notre prochaine émission, ce sera une émission exceptionnelle, jeudi prochain, jeudi de l'Ascension donc, à 9h05. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Tanguy Lecorneau. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy et 75 220 Paris Cedex 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.